نسبة يده إلى النقص والعيب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب كيسي كي بمدني الوجه الشاهد من الآية؟ C'est quoi la partie qui nous intéresse du verset pour faire un rad à ceux qui disent que l'yad c'est pas la c'est pour ceux qui disent que l'yad c'est le quwa ou le qudra et c'est pas la main réelle. Ça n'a rien à voir avec la force. Naam. Naam. Jamil. Wa kadhalik. Qala l'imam ibn al-Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala. Là, eux, ils ont dit. Les Yahoud. Ils ont dit qu'Allah, il avait une main. Sah ou la? Mais ils ont dit qu'elle était comment? Maghloula. Allah, si c'est du batil, yarudduhu. Mubasharatan. Taïb. Si c'était totalement faux ce qu'ils ont dit, Allah il aurait réfuté cela d'une manière claire et comprise. Mais qu'est-ce qu'il a réfuté Allah? Il n'a pas réfuté la main. Il n'a pas réfuté la main qu'ils lui ont confirmée, qu'ils lui ont affirmé. Il a réfuté le fait qu'ils ont dit qu'elle était fermée. Ça se veut dire? Et ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien une main. حقيقية كما تليق بجلال. نعم. قال أنكر سبحانه وتعالى عليهم نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد، ولهذا قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطة. تمام. Donc Allah سبحانه وتعالى il a réfuté le fait qu'ils aient attribué à sa main une déficience et un défaut. Mais il n'a pas réfuté le fait qu'il ait bel et bien une main. Tamam? Taïb. Taïb ya akhana fahmi. Hunaka shkalun ou tanbihun muhimun. Iza qala laka qailun aina ijma' as-salaf ou hat li kalimatan wahidatan عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون إن المراد بيد الله اليد الحقيقية. Quelqu'un il vient et demande, il dit, ramène-moi une parole à Ijma' ou une parole d'Abu Bakr, de Omar ou de Uthman ou de Ali qui nous dit que le but visé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le but visé du mot yad, c'est une main réelle. C'est à toi de me prouver l'inverse. C'est à celui qui demande de te prouver l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a un zahir l'arrière, c'est ça? Non. Et ça, c'est une qa'ida fi l'aqida kakol. Tamshi alayha. Taïb. Faljawab. نقول لهذا الرجل وأنت آتي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة وبعضهم يقولون إن المراد باليد النعمة وإن المراد باليد القوة. إذن فلو كان عندهم معنى مخالف للظاهر اللفظ لكانوا يقولون به ولنقلوا عنهم إلينا. لا تو تا دي نصوص كي سون كلير الله يعني كم كوا الله سبحانه وتعالى il a bel et bien une main. طيب si maintenant le but visé de cette main là chez ses plus prédécesseurs c'était le contraire du sens apparent, tu aurais forcément eu des paroles qui sont rapportés d'eux. forcément, tu aurais eu des paroles qui sont rapportées d'eux, parce que là, le sens apparent, c'est pas celui-là le but visé. Donc si c'est pas celui-là le but visé, alors ils vont t'expliquer c'est quoi le but. Comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Mada Inna shirka la dhulmun adhim. C'est quoi le verset? ايوه الذين امنوا ولم يظلم ولم ها ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. طيب الظلم هنا سي با سونس ابارون. الظلم هي الجريمه وغير ذلك سي با سونس ابارون. دونك لا اون ا يو ديريكتومون ليكسبليكاسيون دو مون ظلم. تمام نعم. وشيخ العثيمين يقول وبعض هذا الكلام بعض يعني نعم. طيب وقال الشيخ العثيمين وهذه فائدة عظيمة وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسوى. Ça c'est une règle. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui a été rapporté des compagnons qui contredit le sens apparent d'un verset, c'est que eux, ils avaient pris par le sens apparent. Ils étaient sur le sens apparent du verset. Tamam? لأنهم الذين نزلوا القرآن بلغتهم وخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرها فإذا لم ينقل عنهم ما يخالف كان ذلك قولهم. Donc ça veut dire si tu n'entends rien comme parole des compagnons sur une chose yani, sur un verset, une parole qui contredit le sens apparent du verset, ça veut dire que eux ils ont pris le sens apparent du verset. Ça va? Ma foi. نعم. طيب مسألة أخرى. هل يد الله واحدة أو متعددة؟ أسكو الله سبحانه وتعالى إلى إن سلمة أو بزيور؟ الله أعلم. موسى. الله أعلم. الله أعلم. الله جاء بالمثنى. الله جاء بتثنية. طيب وجاء بالمفرد هكذا. جاء الله سبحانه وتعالى إلى يبوكي المفرد إلى يبوكي المفرد سيرسانجولي وسجد لما إلى أوسي يبوكي لدويل كما دي أخونا فهمي. وكذلك جاء بلفظ الجمع. نعم il est venu aussi avec le pluriel. يعني le pluriel ça veut dire ce qu'on plus de 3 c'est considéré comme le pluriel. 3 ou plus de 3. المفرد كنت المضاف إلى يفيد العموم. جميل. نعم هذه القاعدة كون افوار دون اصول الفقه المفرد إذا أضيف si vous avez un mot qui est singulier mais qui est attribué à un autre alors là le fait qu'il soit attribué, ça va indiquer qu'il englobe une comment dire une globalité. Je vais vous expliquer de yani, en lisant, vous allez mieux comprendre inchallah. طيب الجواب انها متعدده فلله يدان اثنتان ودليل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي لو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدينا لأنه في حال التمدح أو تمدح الكمال. طيب dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il blâme Iblis, il dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé avec mes deux mains. Là le contexte de la phrase c'est, ou plutôt c'est une phrase qui est dans un contexte où Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'éloge de lui-même. Qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé avec mes mains, plutôt avec mes deux mains. T'as les savants disent que s'il aurait plus de deux mains, il aurait évoqué là dans ce verset-là. Parce que là, c'est dans le, là il se vante du fait qu'il a créé Iblis par ses deux mains. T'as donc les savants ils sont sur le fait que selon de l'avis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Taïb. Mais malgré tout, nous on dit qu'il a deux mains. Taïb. Qu'est-ce qu'on dit des versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque juste une main? On dit comme a évoqué Ismaïl, la qaïda sur le fait que si une chose qui est au singulier, elle est liée ou attribuée, dans la nahou on dit mudaf. Ida udif al mufrad, fasara ya'um. Fasara ya'um. Donc si le mufrad, le mot singulier, il est attribué à un autre, il va. Indiquer une globalité. Ça veut dire là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Biyadihi. Hein? Gloire et pureté à celui dans la main de qui se trouve la royauté. T'as là, yad biyadihi. Le mot yad, il est affilié au ha. C'est-à-dire biyadillah. Tamam? Ce lien-là, il confirme que là, l'attribution, elle est pour toutes les mains d'Allah Azzawajal. Pas juste une. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je vous donne un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsouha » Et si vous essayez de compter la ni'ma d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ni'ma, il n'a pas dit ni'amullah. Ni'ma. Ça, c'est singulier. Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'un seul bienfait? Non. Mais lorsqu'il a été, ce mot qui est singulier, il a été attribué à Allah, alors il indique toutes les ni'ma. Toutes les ni'ma d'Allah, azza wa jalla. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède comme bienfait. T'amam? Tout comme là. Biyadihi, c'est-à-dire toutes les mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. T'amam? Na'am. طيب يا أخنا فهمي هذا في أي سورة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا في سورة ياسين طيب الآن الله سبحانه وتعالى يفك اليد بالجمع الله سبحانه وتعالى يفك اليد بالجمع والجمع في اللغة العربية من ثلاث إلى ما فوق. فكيف؟ En langue arabe, le pluriel il comprend il part du nombre 3 à ce qui est au-dessus. À au-dessus. T'as nous, on a dit qu'Allah, il a deux mains. Pas moins, pas plus. T'as mais là, dans ce verset, comment on fait? Mimma amilat aidina. Jamil, Jamil, tu peux dire ça que certains savants parmi les nuhat et les gens, les savants de la langue arabe, ils disent que le plus bas pluriel c'est pas 3 mais c'est 2. Donc si on dit ce, selon leur avis là, il n'y a pas d'ishkal. Et si on dit selon comme quoi c'est 3, on dira que là Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué le pluriel pour le ta'zim, en guise d'honorabilité. Comme des fois, ou souvent vous allez voir dans les livres d'histoire, les rois, ils avaient l'habitude de parler, au lieu de dire je, ils disaient nous. Au pluriel, alors qu'il est tout seul. Nous voulons que ceci soit fait. Tamam. Lui, il parle comme ça, c'est une manière, comment on appelle ça? En arabe, ça se dit les tardim, pour l'honorabilité ou la grandeur de la chose. Tamam. Donc, même si vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué le il a évoqué ses mains au pluriel. Alors c'est soit le plus bas des pluriels, c'est 2. Ou soit et c'est d'une manière yani, plus honorable d'évoquer la main. Ta main. طيب هنا نتم سألة وقلنا دي الله سبحانه وتعالى إلى دوما مان دروات مان غوش يا عبد الكريم لا لا جي بوز لا كيستيون جي مان غوش و ساك أحسنت ايش عندك يا بان مان دروات مان غوش دليل pour la main droite là إشكال mais pour la main gauche là déjà le hadith أنا لله يمني جاء في الحديث أنا لله يمينين يعني تقصد الحديث كلتا يدي يمين ces deux mains sont des mains droites طيب donc il a pas de main gauche شماله كاليمين جميل جميل طيب يا فابريس Alors, ça apparaît avec la main gauche. J'ai pas très bien suivi. J'ai évoqué la main gauche. Hein? Alaykoum salam. Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main gauche ou là là? Allah alam. J'avais entendu comme Fahmi que sa main gauche est comme sa main droite. Taïb. Addeli. نسيت ها طيب ايش عندك اسمعي شوف الحديث كفامي كنت يدي يمين لكن ذكرت حديث أيوة. هناك حديث في صحيح مسلم أن الله يطوي الأراضين والسماوات فيأخذ السماوات بيده اليمنى فيهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. الله va plier les sept cieux dans sa main droite et il va secouer, il va les secouer. Et ensuite il va dire je suis le roi, où sont les orgueilleux. Tamam. ويأخذ الأراضين بيده اليسرى. Et dans le hadith, il dit que et il va prendre ensuite les terres par sa main gauche. Tamam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main droite et une main gauche. Hakada, hakada, hakada. Al-Hadith, rawahu man. Le hadith, il a été rapporté par qui? C'est-à-dire là, on affirme, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une main gauche. En prenant un hadith, on ne sait pas par qui il est. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Hein? Rawa Muslim. Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Rawa Muslim. Huwa hadith rawahu Muslim. Tamam. C'est un hadith que l'imam Muslim a rapporté. Tamam. Huwa hadith da'if. Il est dans Sahih Muslim. Lakin, c'est un hadith da'if. Da'if. Il a été classé parmi les hadith mu'al. Ils ont une, un défaut caché. T'as vu? Non. Et c'est pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait partie des savants qui eux ont affirmé pour Allah la main gauche. T'as vu? Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, il évoque dans la dernière bab, il évoque le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim et où il y a l'évocation de la main gauche. Tamam. Donc parmi ceux qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala il avait une main gauche, il y a l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi. L'imam عثمان بن سعيد الدارمي وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي والإمام صديق حسن خان والشيخ عبد الله الغنيمان. نعم. ومن أدلتهم ما رواه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا. مرفوع ما معنى من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا؟ Marfou, c'est ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, le hadith Abdullah ibn Umar, marfou'an, c'est-à-dire que c'est une parole de Abdullah ibn Umar, mais qu'il attribue directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un hadith. Ça veut dire que c'est sahih. Là. Là, marfou, c'est juste que toi, tu as évoqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, là, toi, tu viens, tu dis Qala Rasulullah. Mais le prophète, il a dit. Et tu évoques la parole, ta parole là, elle est marfou. Tamam. Sans qu'on regarde dans le sanad. Marfou. C'est-à-dire que tu peux trouver un marfou da'if. Comme là. C'est un hadith marfou ou da'if. طيب قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله. ثم يطوي الأراضين بشماله. طيب. Donc ça c'est le hadith que je vous ai cité et sur lesquels ces imams s'appuient pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a bel et bien une main gauche. Et ceux qui disent que les deux mains d'Allah sont des mains droites, ils s'appuient sur le hadith. Ou tout d'abord, vous avez l'imam. Imam al-A'imma, c'est qui? Celui qu'on avait l'habitude de surnommer Imam al-A'imma. Là, Imam Ahmed, c'est Imam al-Sunnati wal-Jama'a. Imam al-A'imma. Là, Shafi'i, c'est l'aqabuh, Alim Quraysh. T'avais dit quelque chose là, je crois. T'avais dit un nom, non? Shafi'i, c'est le deuxième. Ah, Shafi'i, c'est pas son alaqab. Abu Hanifa? Là. Ibn Khuzayma, sahib kitab al-Tawhid. Non. Ibn Khuzayma. Donc Ibn Khuzayma, ou l'imam Ahmed, ou al-Bayhaqi, ou parmi les contemporains, Cheikh al-Albani, ou طيب ومن أدلتهم ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. طيب le hadith où le prophète sallam dit certes ceux qui ont fait preuve de justice المقسطون ils seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des minbar de lumière à la droite d'Allah Azza wa Jal. Et les deux mains d'Allah sont droites, sont des mains droites. Non. طيب. Et bon, l'heure nous a pris, mais Inch'Allah, dans le cours prochain, on terminera. Se fasse le mumti' sur Sifatullah, Eliyat.